بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا الرابع في شرح هذه الأحاديث المختارة من الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Et donc aujourd'hui on est dans notre quatrième cours dans l'explication des hadiths, de certains hadiths que le Cheikh Rabi', l'imam Rabi', a choisi, tous ces hadiths qui concernent la croyance et le suivi. Wa la yazalu al-kalam fi al-hadith al-thani, et donc on est toujours dans le deuxième hadith, hadith Ubada, radiallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal, man shahida an la ilaha illallah, وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل سل عبادة رضي الله عنه كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et qu'il est sa parole, kalimatuhu, sa parole qu'il a insufflée à Maryam, et un esprit venant de lui, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, alors Allah le fera rentrer au paradis en fonction de ses œuvres. Comme on l'a cité, ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On a déjà étudié la première partie du hadith, et on était arrivé, on a dit qu'on allait voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, donc le sujet de Isa. وَقَبْلَ ذَلِكَ هُنَا تَنْبِيهُ أَرَاهُ مُهِمًّا. Avant cela, il y a un point important que je voudrais vous citer. هو هذه الشهادة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Celui, le prophète, il a commencé, donc celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحدها كافية في بيان التوحيد, la parole de l'unicité en elle-même, la parole la ilaha illallah, nulle divinité, ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Cette parole-là en elle-même suffit pour montrer le tawhid. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam akkada dhalik, il a appuyé cela, il nous a dit wahdahu. Donc il a cité la parole de l'unicité et ensuite et après cela wahdahu. Ça, les savants ils l'appellent ta'kid wa tawkid. Il va appuyer sa parole. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَكَّدَهُ مَرَّةً أُخْرَى. Après cela, il l'a appuyé une autre fois, seul, sans associé. فَقَالَتِ الْعُلَمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَكَّدَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ لِيُبَيِّنَ أَهَمِّيَةَ التَّوْحِيدِ. Les savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appuyé sa parole après l'avoir appuyé une première fois. Tout cela pour montrer l'importance du tawhid. Wa antum tulahidun ayyuha al-ikhwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara ash-shahada an la ilaha illallah wa ash-shahada anna muhammadan rasulullah. Le prophète, vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité l'attestation que nul ne mérite l'adoration, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. وهاتان الشهادتان ركنا في أركان الإسلام أو ركن واحد. Ces deux attestations sont deux piliers ou un seul pilier parmi les piliers de l'islam? واحد ركن واحد. طيب قالت العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما ركنا واحدا. لأن العبادة لا تقبل إلا بهما. Les savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a placé ces deux attestations ensemble qui forment un seul pilier parce que l'acte d'adoration n'est accepté que par ces deux attestations. Il t'est obligatoire, ô serviteur d'Allah, dans tout acte d'adoration, de rassembler ces deux attestations. Il t'est obligatoire afin que ton acte d'adoration soit accepté. At-tawhid, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, et c'est ce qui est la première attestation, ash-shahada an la ilaha illallah. La deuxième, al-mutaba'a, le suivi, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de ce que t'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa hakadha ju'ilata ruknan wahidan. Et c'est comme cela donc que ces deux attestations ont été placées en un seul pilier. En ce qui concerne la parole qui suit, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Subhanallah. Cette parole, elle est très très importante, ô chers frères, car comme vous pouvez le constater, dans le pays dans lequel nous vivons, beaucoup l'ont mal compris. Beaucoup ont mal compris, ne savent pas qui est Isa. Certes, Allah Azza wa Jal l'a montré dans plusieurs passages de son livre. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Le Messie, donc Isa, il ne trouve pas indigne, lui ni les anges, il ne trouve pas indigne d'être des serviteurs d'Allah. Il ne trouve pas cela indigne. Et donc Isa est un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. La yastahiqu al-ibada. Il ne mérite pas d'être adoré. Allah tabaraka wa ta'ala a aussi montré cela dans sa parole lorsqu'il dit laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Certes, ont mécru ceux qui ont dit certes Allah est le Messie fils de Maryam. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dit, qui détient quelque chose contre Allah? Qui peut faire quelque chose contre Allah si celui-ci veut donc anéantir le Messie, fils de Maryam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? إِذَنْ الْأَمْرُ بِيَدِ اللَّهِ. Et donc l'ordre est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Isa n'est qu'un serviteur d'Allah azza wa jal. L'ordre n'est pas entre ses mains. Il est un serviteur d'Allah azza wa jal, tout comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad wujida dhalika kadhalika fi al-kitab al-muqaddas alladhi yaqra'uhu an-nasara. Et nous trouvons aussi des preuves qui montrent cela dans la Bible que lisent les chrétiens. Donc dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile, nous avons une invocation très connue des chrétiens, très connue. Le fameux Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc., etc. Kullu hadha fi bayani anna al-amra biyadillah. Tout cela nous montre que le commandement est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que ce n'est pas Isa. Le commandement n'est pas entre les mains de Isa. Isa est un serviteur. Walidhalika sajada Isa. كما ذكر ذلك في الكتاب المقدس. Et c'est pour cela qu'il a été aussi cité dans la Bible que Isa s'est prosterné avant d'être amené à la crucifixion, comme il le cite les chrétiens. Il s'est prosterné pour demander à son Seigneur d'éloigner de lui cette coupe, c'est-à-dire cette épreuve. Et ensuite, qui montre dans cette invocation, cependant, que ce n'est pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ça, c'est la parole qui est citée dans la Bible. Et donc, il est important aujourd'hui que le musulman rapporte ses textes aux chrétiens afin qu'ils se remettent en cause. afin de leur faire comprendre que l'amr biyadillah, le commandement est entre les mains d'Allah. Wa Isa abdun. Isa est un serviteur. La yastahiqu al-ibada. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit إن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى il nous ordonne dans son livre d'invoquer pour le prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Et ça, الصلاة على النبي. والله تبارك وتعالى أمر رسوله بالعبادة. Allah a ordonné à son prophète de l'adorer. فَمَنْ كَانَ عَابِدًا لَا يَكُونُ مَعْبُودًا. Et donc celui qui est adorateur n'est pas adoré. فَكَذَلِكَ نَكُولُ فِي عِيسَى. Nous disons la même chose dans la même chose concernant Isa. Isa s'est prosterné dans la Bible pour son Seigneur. فَهُوَ عَابِدٌ. Et donc c'est un adorateur. S'il s'est prosterné et invoque son Seigneur, c'est que c'est un adorateur. وَالْعَابِدُ لَا يَكُونُ مَعْبُودًا. Et l'adorateur ne peut pas être adoré. Il ne mérite pas d'être adoré, mais nous devons adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans associé. Et il y a aussi dans cette parole wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Avant d'arriver à la conversion des chrétiens, inshallah ta'ala, il y a un point très important. Donc Isa qui est aussi le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى الْيَهُودِ. Il y a en cela une réplique aux juifs. Donc la première partie, lorsqu'on dit que Isa abdun, que Isa est un serviteur, هَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى النَّصَارَ. Il y a en cela une réplique sur les chrétiens. Et lorsqu'on dit que هُوَ الرَّسُول, et lorsqu'on dit que Isa est messager, il y a en cela une réplique aux juifs. لِأَنَّ الْيَهُودِ أَنْكَرُوا رِسَالَةَ عِيسَى. Car les juifs ont rejeté la prophétie de Isa. Et c'est là qu'on arrive à un autre sujet. وَمِنْ هُنَا نَنْتَلِقْ لَمَسْأَلَةٍ أُخْرَى هَلْ يُلْزَمُ النَّصْرَانِي إِذَا أَسْلَمْ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَةِ أَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ زِيَادَةً عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ. Est-ce que lorsque le chrétien se convertit, est-ce que on lui impose le fait de prononcer les deux attestations de foi, et en plus de cela, de prononcer l'attestation que Isa est le serviteur d'Allah et le messager, et son messager. Al-Rajih min dhalika annahu la yajib. La vie le plus juste, inshallah ta'ala, est que cela n'est pas obligatoire. لِأَنَّ النَّصَارَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا عَلَى أَحْدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَّمْ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُمْ طُولِبُوا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ. Premièrement, car les chrétiens qui se sont convertis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons, il n'a pas été rapporté qu'il leur a été demandé de rajouter cette attestation en plus des deux premières. Ça, c'est premièrement. Wa thaniyan, law talabna an-nasara bi hadhihi ash-shahada fa'alina an nutalib al-yahuda biha kadhalik. Et aussi, si on demande aux chrétiens de faire cette attestation, alors nous devons aussi le faire pour les juifs. Parce que العلماء الذين قالوا انه يجب ان ينطق بهذه الشهاده اي ان عيسى عبد الله ورسوله قالوا لابطال عقيدته السابقه. Les savants qui nous disent qu'il est obligatoire que le chrétien qui se convertit à l'islam, il prononce cette troisième attestation. Il doit la prononcer, le fait que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, ils nous disent c'est pour annuler, rendre caduque, montrer le caractère caduque de son ancienne croyance. Taïb. فَكَذَلِكَ الْيَهُودِ. Et aussi les juifs. فَمِنْ عَقِيدَةِ الْيَهُودِ أَنَّ عِيسَى لَيْسَ رَسُولًا. Il y a dans la croyance des juifs que Isa n'est pas un messager. Et donc, il faut aussi rendre caduque cette croyance. Et donc, il y a dans cela, pour tout cela, on va dire que l'attestation que « La ilaha illallah » et que Mohammed Rasulullah suffit pour que la personne rentre en islam. Et comme on l'a dit précédemment, on a dit quoi ? On a dit « Yajibu alayna an nubayyina li hadha alladhi yuridu أن يدخل في الإسلام يجب علينا أن نعلمه معنى الشهادتين. On a dit que celui qui veut rentrer en islam, il nous est obligatoire de lui expliquer la signification de shahadatayn, des deux attestations. Et donc on va lui expliquer la signification de la ilaha illallah. Si tu lui expliques correctement la signification de la ilaha illallah, il comprend clairement qu'il ne peut pas adorer Isa, voilà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà al-malaika, et voilà ghayruhum min al-makhlouqat. Et donc ça c'est important. C'est important non ? Qu'on comprenne ce sujet. Barakallahu fikum. Wa anna Isa, Abdullah wa Rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Et donc, ensuite, que sa parole, qu'il est sa parole qu'il a envoyée à Maryam. Isa, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Zakarat al-ulama fi hadhihi al-mas'ala aqwal. Les savants ont cité plusieurs donc, explications quant à cette parole. وأشهر الأقوال أن عيسى كلمة الله لأنه خلق من كلمة الله كن. Et donc le plus répandu, la parole la plus répandue est que Isa a été appelé la parole d'Allah parce qu'il a été créé par la parole d'Allah kun, soit, et il fut. Et donc voilà pourquoi Isa a été appelé la parole d'Allah. وفي هذا تنبيه على هذا الإعجاز هذه الآية العظيمة. Il y a aussi ici le fait d'attirer l'attention vers ce signe grandiose qui montre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأنه على كل شيء قدير, et le fait qu'il est capable de toute chose. أنه خلق عيسى من غير أب, il a créé Isa sans qu'il ait de père. Et c'est pour ça que Isa dans le Coran, ينسب إلى أمه, Isa dans le Coran, il est affilié à sa mère. Normalement l'asl, la base est que l'individu est affilié à son père, Fulan ibn Fulan, Muhammad ibn Abdillah, etc. Mais Isa, on dit Isa ibn Maryam, Isa le fils de Maryam, لأنه خلق من غير أب وروح منه. Et on avait traduit la première fois, j'avais dit un esprit venant de lui. Un esprit venant de lui. ذكرت العلماء كذلك في هذه المسألة أقوال. Les savants ils ont cité plusieurs paroles concernant ce terme, donc le fait que Isa a été appelé Ruhullah. Donc Isa a été appelé un esprit d'Allah. فقال بعض العلماء إنه سمي لذلك لأنه خلق من غير اجتماع روحين. Ils ont dit certains savants que Isa a été créé sans que deux âmes ne soient réunies. C'est-à-dire que nous avons été créés par le fait que deux âmes, un homme et une femme, ont été réunies. Isa n'a pas été créé comme cela. Et donc, à cause de cela, il fut appelé Ruhullah. Et donc, un esprit venant d'Allah. وَقَالَ الشَّيْخِ الْعَلَّمَ إِبْنُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِنَّهُ سُمِّيَ كَذَلِكَ تَشْرِيفًا لَهُ. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit que Isa a été appelé comme cela pour l'honorer. C'est une âme. Il a une âme, comme nous tous. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a valorisé, honoré Isa pour le distinguer des autres. Pour mettre en évidence le fait qu'il a été créé, mais que sa création n'a pas été faite comme les autres. Pour le mettre en évidence, Isa, alayhi salam, de la même façon que Allah tabaraka wa ta'ala met en évidence, distingue certaines de ses créatures. Baytullah, la maison d'Allah. La Kaaba, il a distingué cette maison des autres. Alors que toutes les maisons qu'il y a à la surface de la terre appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes. Il fait ce qu'il veut. Toute la terre lui appartient tabaraka wa ta'ala. Mais il a distingué cette maison des autres. Ainsi de suite. Et donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Wa Cheikh Ibn Uthaymeen yaruddu bihadha ala an-Nasara. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il réplique ainsi aux chrétiens, li'anna an-Nasara lam yafhamu hadhihi al-mas'ala. Les chrétiens n'ont pas compris ce sujet. Lorsqu'il nous parle de Ruhullah, Les chrétiens en arabe, lorsqu'ils nous parlent de Ruhullah, ils nous disent donc, ils veulent dire que par là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et donc que Jésus a été appelé le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Huwa Hayatullah. C'est la vie d'Allah. Le Saint-Esprit, c'est la vie d'Allah. Et donc Isa, c'est la vie d'Allah. Et donc Isa, c'est Allah. Et donc Isa, c'est Allah. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous dit ici, il est important de comprendre, Ruhun minhu, laysa littab'id. Ruhun minhu, un esprit venant de lui. On fait bien attention dans la traduction, un esprit venant de lui, c'est-à-dire, on ne dit pas un esprit qui fait partie de lui. Attention, ce n'est pas un esprit qui fait partie d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est un esprit qui vient de lui. Et tous les esprits viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. لِأَنَّهَا كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ مِنَ اللَّهِ. Car tous les esprits ont été créés par Allah. Et donc tous les esprits viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah a distingué Isa des autres parce que sa création n'était pas comme les autres, tout simplement. Est-ce que vous avez compris ça? Et c'est là qu'on arrive à un autre point encore, toujours dans le même sujet. L'explication de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va plus loin encore. Il dit "Ma huwa al-murad bir-ruh?" Qu'est-ce qui est voulu par ruh? Faqad summiyat ar-rih ruhan. Le vent a été appelé ruh. Wa kadhalika al-Qur'an. Le Coran a été appelé ruh. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Awhayna ilayka ruhan min amrina. Nous t'avons fait révélation de un ruh. Un ruh venant de notre ordre. Subhanallah. Et donc, qu'est-ce qui est ruh ici? C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous t'avons fait révélation. Révélation de quoi? Le Coran, ruh. فقالت العلماء سمي القرآن روحا لأنه يحيي القلوب كما أن الروح يحيي الأبدان. Le Coran a été appelé ruh parce que celui-ci donne la vie au cœur. De la même façon que l'âme, qu'on appelle en arabe ruh, donne la vie au corps. Car le corps ne vit pas sans l'âme. La mort, qu'est-ce que la mort? C'est le déplacement, le fait que l'âme est retirée du corps. C'est ça la mort. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit Al-haqiqa anna ar-ruh kullu ma arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila rusulihi libayani al-haqqi wa nasrihi. Ar-ruh, c'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala envoie à ses serviteurs pour montrer la vérité et secourir celle-ci. Et donc il y a parmi cela le Coran, il y a Rih, et Isa alayhi salam, aussi Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé des éléments lui permettant d'expliquer la vérité et de la secourir. Wa an-nasara al-ajib anna an-nasara yashhadun ala ba'd al-anbiya بأن الروح كان فيهم. Ce qui est surprenant, c'est que les chrétiens, ils attestent que certains chrétiens, ils le disent pour certains chrétiens, pour certains prophètes, qu'il y avait en eux un ruh. بل أكثر من ذلك يشهدون على ذلك فيما يختص بالحوريين. Les chrétiens, ils vont aussi affirmer cela pour ce qui concerne les apôtres. Ils vont dire que les apôtres aussi, ils avaient en eux l'Esprit Saint. Taïb, si les apôtres, ils ont en eux l'Esprit Saint, et que Isa, il a en lui l'Esprit Saint, et qu'il y a des prophètes qui ont en eux l'Esprit Saint, pourquoi est-ce que vous allez adorer Isa en nous disant parce qu'il a en lui l'Esprit Saint? Et derrière, ils vont nous dire tous les pieux, ils ont en eux l'Esprit Saint. Tous les pieux ont en eux l'Esprit Saint. Lorsqu'ils vont prêcher, venez, répondez à l'appel de l'Esprit Saint. Laissez l'Esprit Saint rentrer en vous. Taïb. Et donc, lorsqu'un esprit saint rentre en toi, ça veut dire que tu mérites l'adoration ou pas? Ils vont te dire non. Tu vas dire, mais attention, vous nous dites qu'on peut adorer Issa parce que Issa, il y a l'esprit saint qui est en lui. Comment on fait maintenant? Et donc, il est important, cher frère, de comprendre ce sujet. Mais où est le mourad bi-rouh? Qu'est-ce qui évolue par le terme rouh? Et ensuite, il y a, on continue le hadith, inshallah ta'ala. Là, ça fait combien de temps? Mashallah, 25 minutes, subhanallah. On continue le hadith, inshallah. Wal jannatu haq. Wal naru haq, subhanallah. Le paradis est vérité et l'enfer est vérité. Kullu man qara al-Qur'an yajidu anna Allah tabaraka wa ta'ala yukthiru min dhikrihima. Toute personne qui lit le Qur'an remarque que Allah tabaraka wa ta'ala cite beaucoup le paradis et l'enfer. Wa dhalika lit-targhib wa at-tarhib. Et cela pour inciter les gens à accomplir de bonnes actions et leur mettre en garde contre l'accomplissement des mauvaises actions. فَمَنْ لَمْ يُفَكِّرْ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْجَنَّ وَالنَّارِ نَخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْوُقُوعَ فِي الْمَعَاصِ مِنَ الْإِنْغِمَاسِ فِي الْمَعَاصِ. Celui qui ne se rappelle pas de l'enfer et du paradis, alors on craint le concernant qu'il se noie dans les péchés. Car celui qui ne se rappelle pas de cette rétribution, celui qui se rappelle de cette rétribution, هذا يعينه في ترك المعاصي. Celui qui se rappelle de cette rétribution, cela l'aide à délaisser les péchés. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit concernant al-mutaffif, celui donc qui veut pleinement sa part et qui ne donne pas le droit aux autres. Et la ya'lamu ulaika annahum mab'uthun. Ceux-là ne savent pas qu'ils seront ressuscités? Ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Pourquoi? Si tu sais pertinemment que tu seras ressuscité et que ta fin sera le paradis et l'enfer, alors fais des efforts pour délaisser les péchés. Fais yajibu alina ayyul ikhwa nu'mina bi al-janna wa an-nar. Il nous est obligatoire, ô chers frères, de croire au paradis et à l'enfer. Pourquoi? Premièrement, li'annahu yajibu alayna an nu'mina bi kulli ma dhakarahu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi. Premièrement, parce qu'il nous est obligatoire de croire en tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui rejette cela et qui déteste quoi que ce soit que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre, alors celui-ci mécroit en Allah tabaraka wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Cela parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre. Alors il a rendu caduques leurs œuvres. Il nous est donc obligatoire, ô chers frères, de croire en tout ce qu'Allah nous a cité, même si nous ne le voyons pas. Tu ne vois pas le paradis ou l'enfer, mais tu dois y croire. ثَانِيًا أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا يَنْفَعُكَ. Deuxièmement, le fait de croire en ces deux éléments, le paradis et l'enfer, cela va t'aider. لِأَنَّكَ تَعْرِفْ أَنَّ الْجَنَّةَ خُلِقَتْ لِلْمُتَّقِينَ. Car tu sais que le paradis a été créé pour les pieux. وَأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلْكَفِرِينَ. Et que l'enfer a été créé pour les incroyants. Tu dois donc tout faire pour t'éloigner du feu et tout faire pour rentrer au paradis. وَفِي هَذَا حَدِيثٌ جَمِيلٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, donc selon Anas ibn Malik dans Sahihayn, le paradis a été entouré d'éléments détestables et difficiles. Détestables et difficiles, c'est-à-dire que c'est difficile pour l'âme. L'âme ne supporte, n'aime pas ça. Et que l'enfer a été entouré d'éléments qui sont les désirs interdits. Al-zina, la fornication. Al-khamr. Et donc, ô chers frères, cela nous montre que tu veux faire des paradis, tu veux aller au paradis, alayka an tajtahid, tu dois faire des efforts. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que dans la riwaya de Abi Daoud, qui cite que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Jibril d'aller regarder le paradis, il revient en disant à Allah tabaraka wa ta'ala, tout le monde y rentrera au paradis. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a entouré Haffa al-Jannah bil-Makari. Ensuite, Allah a donc fait en sorte que le paradis soit entouré de ces éléments détestables. Jibril, il a dit, Khiftu an la yadkhula fi ahad. Je crains que personne n'y rentre. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts. Parmi les efforts, ben, ce genre d'assises, ici, à cette heure-ci, c'est pas facile, mais on vient pour apprendre notre religion. Et on continue derrière, el-amel, le fait d'œuvrer. Et c'est ce qu'on voit à la fin du hadith. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amel. Allah lui fait rentrer au paradis en fonction de ses œuvres. Et donc celui qui a cru en Allah, qui a cru en la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, celui qui croit en cette parole, que Allah, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Et qu'il est sa parole. Et qu'il a un esprit venant de lui. Et que le paradis est vérité. Et que l'enfer est vérité. Celui qui croit en tout ça, alors Allah lui fait rentrer au paradis en fonction de quoi? En fonction de sa croyance? Non, en fonction de ses œuvres. Ayyuha al-akh al-karim, khuliqta lil-amal. Oh cher frère, tu as été créé pour œuvrer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on aime ça venir, on vient s'assier, on s'assied aux assises de science, on est là, on écoute, et après on part, comme si c'est rentré et c'est ressorti de l'autre oreille. Ce que tu entends, ce que tu apprends, ce que tu lis, œuvre avec. Khuliqta lil-amal, tu as été créé pour œuvrer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration, c'est une œuvre. Le fait d'œuvrer. Tu as été créé pour œuvrer. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lequel d'entre vous aura les meilleures œuvres. C'est pas lequel d'entre vous aura le plus de science. Laysa al-murad an takuna 'aliman. Ce n'est pas voulu, c'est pas que tu, il n'était pas demandé d'être un savant. Si tu peux le faire, fais-le. Mais ce qui t'est demandé, ce qui t'est obligatoire, c'est d'œuvrer. Wa taban la tastati' an takuma bi'amal sahih illa idha ta'allamt. Et aussi, donc tu ne peux pas œuvrer correctement si tu n'apprends pas, et donc les deux vont ensemble. Mais ce qui est blâmable, c'est que tu apprennes et qu'ensuite tu n'appliques pas. Que tu apprennes et qu'ensuite tu n'appliques pas. Tu as été créé pour œuvrer. Et donc, voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, كثيراً ما في كتابه يقارن بين الإيمان والعمل. Allah, souvent dans son livre, il va faire le lien entre la foi et les œuvres. Il va faire le lien entre la foi et les œuvres. Ce n'est pas normal qu'on trouve des frères qui sont négligents dans les actes d'adoration. Al-mustahabbat, les actes recommandés. Nous devons faire des efforts dans les œuvres. Mais il n'y a pas que al-salat, al-zakat, al-hajj. Il y a aussi l'akhlaq, le comportement. Al-akhlaq min al-amal. Le comportement fait partie des œuvres, oh cher frère. Ça c'est important, le fait que tu aies un bon comportement avec les gens, que tu sois souriant, que tu les aides. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans Sahih al-Bukhari, khiyaru inna khiyarakum, fi hadith Abdullah ibn Amr, inna khiyarakum, ahasinukum akhlaqa. Dans Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abdullah ibn Amr, certes les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les meilleurs d'entre vous. Et donc, le comportement fait partie des œuvres, oh cher frère. Il faut qu'on accorde aussi de l'importance à cela. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi montré que « Athqalu ma fil mizan yawm al-qiyama husnul khuluq ». Le prophète nous a montré que ce qui est le plus lourd dans la balance le jour de la résurrection, c'est husnul khuluq. Une question que j'avais posée au frère de Bruxelles. « Alaysatil ahadith tadullu ala anna shahadat an la ilaha illallah hiya athqalu ma fil mizan ». N'est-ce pas que les ahadiths nous montrent que l'attestation que la ilaha illallah, c'est ce qui est le plus lourd dans la balance? C'est vrai ou pas? C'est ce qui est plus lourd dans la balance. Et donc, comment se fait-il que le prophète, il nous dit, ce qui est plus lourd dans la balance le jour de la résurrection, c'est le bon comportement? Comment on fait? Nul doute que celui qui a un bon comportement, mais qui est... Sinon, les gens de l'Union Ovation, il y en a pas mal qui ont des bons comportements, entre guillemets. Mais c'est pas pour ça que ça va être pris plus en compte que alors qu'il y en a un qui est facile, tu vois. Ouais, mais là, attends. Là, il nous dit que ce qui est le plus lourd dans la balance, Yawm al-Qiyam. Comment tu fais pour expliquer ça? Le bon comportement, c'est ce qui est le plus lourd dans la balance, Yawm al-Qiyam. Et dans d'autres hadiths, comme Hadith al-Bitaqa, on voit clairement que ce qui est le plus lourd, c'est la ilaha illallah. Le comportement, ça englobe tout. Le bon comportement avec Allah, avec le Coran, avec le Jazakallahu khairan. Mashallah. Le comportement, ça englobe tout. Tu dois avoir le bon comportement avec Ibadullah, avec les serviteurs d'Allah. Le bon comportement envers toi-même. Le bon comportement envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa man lam yakun muwahidan, lam yakun dha khuluqin. Celui qui n'est pas monothéiste, il n'a pas un bon comportement. Il n'a pas un bon comportement. Car il n'a pas un bon comportement envers Allah, la base. Même s'il a un bon comportement envers les créatures d'Allah. Mais il n'a pas un bon comportement envers Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord? Et donc, il est important de comprendre ce point-là. Et donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, fera rentrer cet individu au paradis en fonction de ses œuvres. Faites dukhulu fil jannah, ayyuhal ikhwa. Bihasbi armelina. Et donc, le fait, la rentrée au paradis dépend de nos œuvres. La rentrée au paradis dépend de nos œuvres. Et c'est là qu'on revient, ne dépend pas de ta science, mais dépend de tes œuvres. D'accord? Et donc, les savants, ils nous ont cité qu'il y a awwal ad-dukhul lil faizin, la première entrée pour el faizin, ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu la félicité. C'est eux qui rentrent au paradis en premier. Et ensuite, fait le mar quand yadkhulu ma'ahum. L'annahu yu'minu billah. L'individu, il se peut qu'il rentre avec eux car il croit en Allah. Walakinnahu qad yu'akhkhar. Cependant, il se peut que on le fasse donc tarder et qu'on ne le fasse pas rentrer avec eux. Fa qad yu'adhabu qabla dukhulihi fil jannah. Il se peut qu'il soit châtié en enfer avant de rentrer au paradis et cela à cause de ses œuvres. Bima et à cause des œuvres qu'il a, comme on a cité dans le hadith. وَقَدْ لَا يَدْخُلُ مَعَ الْأَوَّلِينَ وَلَا يُعَذَّبُ فِي النَّارِ لِمَا لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ وَالسِّيِّئَاتِ مُتَسَاوِيَةِ عِنْدَهُ. Il se peut que l'individu ne rentre pas directement au paradis et qu'il ne soit pas non plus châtié, mais qu'il aille donc dans Al-A'raf. Al-A'raf, donc, qui est entre le paradis et l'enfer. Cette personne qui est dans cette étape, qui va rentrer au paradis par la suite, mais qui ne rentre pas au début avec les premiers. Pourquoi? Parce que ses mauvaises et ses bonnes actions sont équivalentes. Ses mauvaises et ses bonnes actions sont équivalentes. Voilà pourquoi nous devons faire des efforts, ô chers frères, afin d'être avec les premiers. Avec les premiers. Et cela dépend de quoi? Al-amel. Cela dépend de al-amel. Donc de tes œuvres. Et tes œuvres, pour qu'elles soient correctes, cela, il faut aussi que tu aies la science. Que tu apprennes pour pouvoir agir correctement. Et voilà pour l'explication de ce hadith. Ça fait déjà 40 minutes. On va arrêter là, inshallah ta'ala. Et demain matin, on va commencer l'étude du hadith d'après Waffaq Allahu al-Jami' lima yuhibbuhu wa yardha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.